En 3. Bon, ski bong, ski bong. Ou peut-être une nuit. Manu. Manu. Manu. Quand soudain. Manu. Venant de nulle part. Ouais. Manu. Surgit un Manu noir. Je vais dire Manu. Ah, Manu. Manu. Oui.